بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس Bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce cours dans l'explication de Umdat al-Ahkam. On est toujours dans le sous-chapitre concernant la prière du Eid, des deux Eid. L'auteur qui nous dit « Wa anil bara ibn Azib radiyallahu anhu qol khatabana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yawm al-udha ba'd as-salat » فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. Selon le Bara ibn Azib radiallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait un sermon le jour du Eid al-Adha, le Eid du sacrifice, après la prière. Il a fait le sermon après la prière. Il a alors dit, « Celui qui prie notre prière et qui sacrifie de notre sacrifice, alors celui-ci aura fait un sacrifice. » Il aura fait un sacrifice correct. وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاتِ فَلَا نُسُكَ لَهُ. Et celui qui fait le sacrifice avant la prière, il n'aura pas de sacrifice correct. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ إِبْنُ نَيَّارٍ إِبْنُ نِيَّارٍ وَهُوَ خَالُ الْبَرَاءِ إِبْنُ عَازِبٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. Et donc Abu Burda ibn Niyar, qui est l'oncle maternel de Al-Bara ibn Azib, il a entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors dit, « Ô messager d'Allah, certes, j'ai fait le sacrifice de mon mouton avant la prière. J'ai égorgé mon mouton avant la prière. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour de nourriture et de boisson, c'est-à-dire un jour de fête. Et j'espérais que mon mouton soit le premier à être égorgé chez moi. » Et donc il a une bonne intention, je veux que mon mouton soit le premier à être égorgé chez moi. Alors je l'ai égorgé. Et j'ai mangé avant de venir à la prière. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, chatuka chatu lahmin. Ton mouton est un mouton qui a été égorgé, c'est une bête, c'est de la nourriture. C'est-à-dire que ce n'est pas une bête sacrifiée pour l'Aïd. Ce n'est pas une bête sacrifiée selon les rites, selon les principes du Eid. Alors il a dit, ô messager d'Allah, Certes, nous avons une chèvre. Sauf que le terme utilisé ici, c'est anaq. El anaq, c'est une chèvre qui n'a pas encore atteint un an. Qui n'a pas encore atteint l'âge déterminé, l'âge permettant qu'on fasse un sacrifice avec. Car c'est connu, certes, que c'est le mouton avec lequel il est permis de le sacrifier au bout de 6 mois. Et donc, il a dit, j'ai à la maison une chèvre que j'aime encore plus que 2 moutons. Cette chèvre-là, je l'aime plus que 2 moutons. Elle a de la viande, elle a 6 belles chèvres. Est-ce que celle-ci peut me suffire pour le sacrifice, pour que je puisse au moins faire mon sacrifice aujourd'hui? Est-ce que celle-ci m'est suffisante? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, na'am, oui, mais celle-ci ne suffira à personne après toi. Et donc personne après toi ne pourra faire de sacrifice avec une bête dans ces conditions-là. C'est une exception. أيها الإخوة في هذا الحديث فوائد منها أن الخطبة يوم العيد بعد الصلاة كما رأينا بالأمس. Et donc chers frères et sœurs, il y a plusieurs profits, plusieurs leçons à tirer de ce hadith. Parmi celles-ci, il y a le fait que la khutba, le jour du Eid, se fait après la salat, comme on l'a vu hier. وفي الحديث ما يتعلق بالذبيحة متى يبدأ وقت ذبحها. Il y a dans le hadith ce qui est lié à la bête égorgée. À partir de quand commence le moment, le temps où nous pouvons égorger? فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أن وقت الذبح يبدأ بعد الصلاة. Et donc l'imam Ahmed ainsi que l'imam Abu Hanifa, ils voient que le temps d'égorgement, il commence après la prière. Après la prière. C'est-à-dire après que celui qui fasse le sacrifice ait prié. مستدلين بهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسك قبل الصلاة فلا نسك له. Ils se sont appuyés sur ce hadith, le prophète. Pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم qui dit celui qui égorge, celui qui fait son sacrifice avant la prière, alors son sacrifice n'est pas correct. Il n'a pas de sacrifice correct. Ils disent ici, avant la prière, c'est avant que lui, il fasse la prière. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit juste avant, « Man salli salatana wa nasaka nusukana. » Celui qui fait la prière comme nous le faisons et qui sacrifie comme nous le faisons. Naseke nusukana, c'est-à-dire celui qui fait le sacrifice comme nous le faisons. Wastadallu aidan bi qawlillahi ta'ala, ils se sont aussi appuyés sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, fa salli li rabbika wanhar. Alors prie pour ton Seigneur et fais le sacrifice. Alors prie pour ton Seigneur et sacrifie, c'est-à-dire sacrifie la bête. قالوا اذا لو ان المرء صلى العيد فله بعد ذلك ان يذبح ذبيحته. Alors ils disent donc, si lorsque l'individu il a accompli la prière du Eid, il peut après cela égorger sa bête. وذهبت المالكية إلى أن العبرة بذبح الإمام. Les savants de l'école malikite, eux, ils voient que l'égorgement, ils voient que ce qui est pris en compte, c'est l'égorgement de l'imam. C'est-à-dire qu'on peut faire le sacrifice, on peut égorger à partir du moment que l'imam lui-même, il a égorgé. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. Ils se sont appuyés sur la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit celui qui égorge avant d'avoir prié alors qu'il égorge une autre, c'est-à-dire une autre bête à sa place. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بعدما ذبح. Ils ont dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il a cité cette parole après avoir égorgé. Après avoir égorgé, il a cité cette parole le prophète صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مرجوح. لمخالفة النصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة لا بذبح الإمام. Et cet avis, il est donc rejeté. Pourquoi? Parce qu'il est contraire au texte. Quand on voit les textes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié le moment de l'égorgement à la prière. Il ne l'a pas lié à l'égorgement de l'imam, au fait que l'imam il égorge sa bête. Mais il a lié cela à la prière. Et donc nous restons avec les textes. El qawl ath-thalith, le troisième avis dans ce sujet, qawl ash-Shafi'iyya wa ma'ahum adh-Dhahiriyya, an al-'ibra bi waqti as-salah. Le troisième avis, donc l'avis de l'imam Shafi'i et avec lui l'école Dhahirite, ils nous disent que ce qui est pris en compte, c'est le début du temps de la prière. C'est le temps de la prière. Pas la prière, mais le temps de la prière. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا المراد منه بعد دخول وقت الصلاة بقليل حتى يتمكن الناس من الصلاة. Et donc ils ont dit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit celui qui accomplit la prière comme nous le faisons et qui égorge comme nous le faisons, ce qui est voulu par là, c'est donc celui qui accomplit la prière, celui qui égorge, ce qui est voulu par là, c'est l'égorgement qui est fait après le temps de la prière. C'est pas après que la personne ait fait la prière, mais après le temps de la prière, un peu après le début du temps, jusqu'à ce que les gens aient fini de prier. Jusqu'à ce que les gens aient fini de prier. C'est-à-dire que cette personne-là, elle n'a pas forcément prié. فَمَنْ لَمْ يُصَلِّ لَكِنَّهُ انْتَظَرَ قَلِيلًا حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَتَهُ. Et donc celui qui n'a pas prié, mais qui, lui par contre, il a attendu un peu. Le temps que les gens aient fait la prière, et que les gens, donc, ils pensent, cette personne-là pense que les gens ont fini la prière, alors à ce moment-là, il peut égorger, selon cet avis. وَالرَّاجِحُ فِي هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمْ أَنَّ الْإِنسَانَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُشْرَعُ لَهُ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ ذَبِيحَتَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاتِهِ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ. Le plus juste, وَاللَّهُ أَعْلَمْ, est que l'individu, s'il fait partie de ceux dont la prière leur est légiférée, alors qu'il fasse son sacrifice après la prière, c'est-à-dire après que lui ait prié. Tout cela pour sortir de la divergence. Et c'est le plus sûr. C'est la vie le plus sûr. Comme ça, tu sors de la divergence. Amma man la yusalli kal huyyab التي يريدنا أن يذبحنا فلهن ذلك إذا غلب على ظنهم أن الناس قد صلوا. Tandis que celles qui ne prient pas, comme les femmes menstruées, qui veulent égorger leurs bêtes, alors ceci est possible Elles peuvent le faire si, à partir du moment où elles pensent que les gens ont fini la prière. À partir du moment où, donc elles pensent que les gens ont fini la prière, même si celle-ci n'a pas prié. وكذلك يؤخذ من الحديث أن من ذبح قبل الصلاة فلا تعد ذبيحته ذبيحة عيد. Et aussi, donc on tire de ce hadith, bien sûr, que celui qui fait le sacrifice avant la prière, alors la bête qu'il aura égorgée ne sera pas comptée comme sacrifice du Eid. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص بعض الناس بحكم فلا يقاس أحد عليهم. Et aussi on peut tirer de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut accorder à certaines personnes un jugement spécifique et propre à eux, et on ne pourra pas comparer d'autres personnes à celles-ci. C'est important là, ce jugement il était propre à Abi Burda. Le prophète lui a dit walan tajziyan ahadin ba'dak, et cela ne suffira à personne après toi. Donc c'est juste pour lui ce jugement. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث امر عظيم مهم جدا. On comprend de ce hadith un sujet grandiose et très important. Uktubuhu, écrivez-le. An-niyyatul hasana la takfi fil ibada. La bonne intention ne suffit pas. La bonne intention ne suffit pas dans l'adoration. Na'am. Abu Burda jaa fi ba'd ar-riwayat annahu arada an yatasaddaq wa yuhdi lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Abu Burda, il a été cité dans certaines narrations qu'il voulait, justement lorsqu'il a égorgé sa bête avant la salat, il voulait faire quoi? Il voulait en donner en aumône. Dans certaines narrations, il a été cité qu'il voulait en donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne doute pas de son intention, de sa bonne intention à ce compagnon radiyallahu anhu. Kana yuridu an yasbiqa an-nas, il voulait donc précéder les gens. Yatanafas, la concurrence dans le bien. Il voulait que sa bête soit la première bête à être égorgée chez lui. Une bonne intention. Walakin hadhihi an-niyya la takfi. Cependant, cette intention n'est pas suffisante. La Buddha min muwafaqati shar'a. Il est impératif que ton acte soit conforme à la législation. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Aïcha radiyallahu anha, celui qui accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre ordre, à notre législation, son acte est rejeté. وأنتم تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بالجهل. Et vous constatez que le prophète صلى الله عليه وسلم ne l'a pas excusé par son ignorance. Il n'a pas dit ah il ne savait pas, c'est pas grave, son acte il est accepté. Non. Concernant les actes d'adoration, il faut que tu apprennes avant de le faire. Il faut que tu apprennes avant de le faire. Tu n'es pas ton ignorance. Ton ignorance n'est pas une excuse. Tu dois apprendre. Ta'allam. Tu veux que ton acte soit accepté? Ta'allam. Apprends. Et donc ça, c'est très très très important, les frères. Ce sujet est vraiment très important à ne pas prendre à la légère. Et c'est pour cela qu'on a mis beaucoup de cours dans la mosquée. C'est pour cela que chaque cours, on fait en sorte qu'il ne dure pas trop longtemps non plus. C'est pour que vous puissiez suivre les cours sans que ça soit trop pesant, tous les jours, régulièrement, inshallah ta'ala, afin qu'on puisse apprendre comment adorer Allah Azza wa Jal, comment adorer notre Seigneur. On ne peut pas rester comme ça. Déjà, on est en France. Fibile de le kofr. Et en plus de ça, on doit rester ignorant. Faut qu'on apprenne. Faut qu'on accorde un peu de temps pour notre religion. C'est quoi le nom de... c'est combien, il dure combien de temps le cours? 30 minutes, même pas parfois. Parfois 15 minutes. Une fois, j'ai fait un cours, il a duré 10 minutes. Tout de suite après, j'ai reçu un message. Déjà? Oui, parfois, c'est comme ça. Parfois, c'est comme ça. L'essentiel, c'est que vous soyez constant et qu'on apprenne. On avance, alhamdoulilah. Et donc, c'est important, les frères, qu'on apprenne notre religion afin qu'on adore Allah tabaraka wa ta'ala comme il nous l'a ordonné, comme il nous l'a demandé. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite, de nous accorder une science profitable. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.